reste une quête. J'attends la défaite d'une histoire muette. Je t'écris toutes ces lettres car je le garde en tête. Tu viendras peut-être. I wish you would care. If you're too scared to dare, you will lose me then. I love you as hell. Que du love. J'ai déjà donné. Deep inside I know that you do. Deep inside you love me, don't you? Oseras-tu un jour m'aimer? Car ton nom j'ai déjà donné. Deep inside I know that you do. Deep inside you love me, don't you? T'as trop bu ce soir, tu veux rentrer tard. T'évites mon regard. Si on rentre ensemble, c'est pas dans la même chambre. If we do it now, you can't go back in time. And I might cross the line. I want you to be mine. Deep inside, you love me, don't you? Oseras-tu un jour m'aimer?